des moments comme ça où on n'arrive pas à comprendre. 750 ou 1500. 750, 1500. 1, un calculateur tempo. Je cherchais un calculateur de tempo. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Je t'ai trop fait pleurer, les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. Du pénitencier bientôt vont se fermer, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Voilà, c'était pour Jojo, notre petit Johnny. Moi j'aimais bien Johnny. Et notamment j'aimais bien cette chanson. Putain, je t'entends pas trop, Zig. Attends, ah ouais, faut que je. Ah, mais. Ah, c'est parce que j'avais baissé le volume. Bonsoir, la Russie. Bon, allez, on se le refait, allez. Attends, on va enregistrer un petit looper. Attends, je lance. C'est ça, d'accord ? Thank you. les Zig. À toi. Je vais la relancer. Attends, je vais la relancer. Attends, je vais relancer. Hein. Excuse-moi, il y a un petit problème technique. Allez, go. Allez, go. Je vais relancer. T'es prêt, Zig? T'es prêt, Mister Zig? Est-ce que t'es prêt? Ah, est-ce que t'es prêt? Merde, j'ai pas muté les trucs, attends. Attends, j'ai pas joué le truc. Attends, pourquoi ça mute pas les pistes? Attends, là ça va muter. Ah, c'est bizarre, ça mute pas les pistes. Ah, j'ai compris. J'ai compris, Jem Tabar. Excuse-moi, c'est un peu long, mais ça va arriver. Attends, je voulais faire un fade-in. Ça va être bon. Ça va venir, ça va venir. Il y a un petit problème de latence. Je vais relancer. Attends, ça devrait s'arrêter. Voilà. Attends, je le relance. Ah d'accord, ça part pas au départ. Bon. Ah ouais, ça part. Ah oui, il faut le faire partir pile quand il arrive sur la mesure 1. Attention, on dédicace à notre ami Johnny. Du pénitencier bientôt vont se fermer, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Thank you.

Attends. C'est dommage, je voulais faire un truc, tu sais, cool, et après balancer une grosse saturation, si tu veux. Bon, je te le mets pour toi. Allez, fais-toi plaisir. Je voulais faire une version de... Attends, écoute. On veut pas savoir que tu vas faire pipi. Je vais faire pipi. J'ai trop envie. T'es là, Zig? J'entends plus ta guitare.